Cool. Pourquoi ce why? Porque paraste. Suddenly. Thank you.

tangible, partant du sensation fongible. Proche, humaine, l'impression. Thank you. Le mur, le rideau est tombé. On le sait. Invisible comedy. Théâtre des opérations. Plus laisser faire, distraire. Accepter d'aimer encore et encore. Plus grand risque est là. Thank you. égaux. Access went away, so we don't have to do that stuff. Marcia au bord. Thank you.